Section 56 de La Lecture, tome 4e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 4e, section 56. La vitesse des chemins de fer, par Henri de Parville. Nous sommes encore pleins de préjugés au sujet de la vitesse des trains de chemin de fer. Ainsi, on s'imagine communément que les trains anglais et américains vont beaucoup plus vite que les nôtres, ce qui n'est pas. On dit par exemple que le train le plus rapide, c'est l'express de Marseille, ce qui n'est pas davantage. Peut-être trouvera-t-on quelque intérêt à avoir sous les yeux des chiffres très approximativement exacts. La vitesse kilométrique des trains se détermine à l'aide d'appareils enregistreurs qui inscrivent le nombre de tours de roues, et comme on sait le diamètre des roues, on en déduit la vitesse vraie, effective, sur un parcours donné. Mais la vitesse absolue varie, on le conçoit facilement. Elle dépend de la voie, il faut la diminuer dans les courbes, au passage des ponts, partout où la voie est mauvaise. Elle est ralentie sur les rampes, elle est moindre quand les stations sont rapprochées, etc. Si bien qu'en fait, ce qui importe, c'est avant tout la vitesse moyenne, la vitesse avec laquelle on franchit un trajet. Pour l'obtenir, il est clair qu'il suffit de tenir compte du temps qui sépare l'arrivée et le départ, en défalquant le temps perdu pour les arrêts. Sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, le rapide parcourt la distance extrême, 803 km, en 1032 minutes pour l'aller et 1029 minutes pour le retour. Il faut déduire pour l'aller 86 minutes d'arrêt aux stations et pour le retour 86 minutes. On fait donc le trajet de Paris à Marseille en 942 minutes, trajet de Marseille à Paris 939 minutes. Chaque train avance avec une vitesse moyenne de 1 minute 5 secondes et 1 minute 6 secondes par kilomètre. S'il s'agit de la vitesse moyenne d'une station à l'autre, la vitesse est souvent beaucoup plus grande. Ainsi, d'Avignon à Valence, distance 124 km, franchie en 108 minutes, la vitesse est de 52 secondes par kilomètre. Cette vitesse moyenne est encore momentanément dépassée, car elle correspond à environ 70 km à l'heure. Et l'on atteint accidentellement 90, 100 et même 120 km à l'heure, sur certains points du parcours de nos grandes lignes. Sur le chemin de fer du Nord, la vitesse moyenne est plus grande que sur le chemin de Paris-Lyon, contrairement à l'opinion répandue. Le train de Paris-Calais parcourt 297 km en 322 minutes, avec 21 minutes d'arrêt, soit 301 minutes. Le train Calais-Paris met 330 minutes, avec 50 minutes d'arrêt, soit 280 minutes. La vitesse moyenne est donc de 56 secondes, quand celle du rapide de Marseille est de 1 minute 5 secondes. La cause en est à la voie elle-même, plus courte d'abord, et naturellement moins accidentée d'obstacles que la voie Paris-Marseille. La plus grande vitesse moyenne entre stations ne paraît pas en effet supérieure sur le Nord à celle du Lyon. Elle descend seulement à 53 secondes entre Abbeville et Boulogne. Sur le chemin de l'Est, l'express de Paris à Nancy parcourt en 6h32 minutes 353 km, avec des arrêts au total de 43 minutes, soit 350 minutes, ce qui donne pour la vitesse par kilomètre environ 1 minute. Un peu supérieure à celle de Paris-Lyon. La vitesse moyenne entre Paris et Épernay, 142 km, est de 54 secondes par kilomètre. Sur la ligne de l'Ouest, la vitesse moyenne est un peu réduite. De Paris à Vernon, distance 80 km, la durée du trajet est de 86 minutes, soit 1 minute 4 secondes par kilomètre. Toujours un peu supérieure à celle de Paris à Lyon. Mais il convient de le répéter, la vitesse moyenne diminue généralement en raison de la longueur du trajet. On conçoit qu'on perde moins de temps sur un parcours de 80 km que sur un parcours de 800 km. Sur le chemin du Midi, Bordeaux à Agen 136 km, durée du trajet 126 minutes, vitesse moyenne 55 secondes. Tous ces chiffres sont, comme on voit, tout à fait comparables. C'est sur le chemin de fer de Paris à Bordeaux que sont atteintes en France les plus grandes vitesses. L'express du matin, qui part à 8h45 minutes, arrive à Bordeaux à 5h52 du soir. Trajet 578 km, il y a 46 minutes d'arrêt, soit 501 minutes de durée de parcours pour 578 km, ce qui correspond à 51 secondes 9 de vitesse kilométrique moyenne. La vitesse moyenne entre Étampes et Paris est de 50 secondes 9. Entre Ruffec et Angoulême, de 50 secondes. On peut considérer comme très approximativement exactes les vitesses moyennes kilométriques suivantes pour chaque ligne. Ouest, maximum 1 minute 4 secondes, minimum 1 minute 4 secondes. Midi, maximum 55 secondes, minimum 55 secondes. Est, maximum 54 secondes, minimum 54 secondes. Nord, maximum 53 secondes, minimum 56 secondes. Lyon, maximum 52 secondes, minimum 1 minute 5 secondes. Orléans, maximum 50,4 secondes, minimum 52 secondes. On peut prendre comme type de bonne vitesse moyenne d'express le kilomètre par minute. Les trains font donc environ de 60 à 70 km à l'heure. Répétons, pour qu'il n'y ait pas de méprise, qu'il s'agit de la vitesse effective, car sur le nord et sur l'est, les trains progressent quelquefois pendant quelques minutes en bonne voie à la vitesse de 100 km, et sur l'Orléans à la vitesse de 110 à 120 km exceptionnellement. Ce sont là des maximums. En Angleterre, la vitesse n'est pas supérieure à la vitesse des chemins français, quoi qu'on en ait dit. À l'exception du train des fous, qui progresse à la vitesse de 80 km, sur les autres lignes, la vitesse kilométrique serait plutôt un peu inférieure que supérieure à la nôtre. Voici quelques chiffres. Londres-Liverpool, distance 324 km, durée 310 minutes, vitesse kilométrique 57 secondes. Londres-Édimbourg, distance 645 km, durée 610 minutes, vitesse kilométrique 55 secondes. Londres-Manchester, distance 304 km, durée 280 minutes, vitesse kilométrique 55 secondes. Londres-Birmingham, distance 182 km, durée 165 minutes, vitesse kilométrique 54 secondes. En Italie, la vitesse est faible, elle oscille entre 1 minute 36 secondes et 1 minute 6 secondes. En Allemagne, les trains ont une vitesse plus petite qu'en France. Elle est de Berlin à Custin de 1 minute 11 secondes, de Francfort à Mayence de 1 minute 8 secondes, de Cologne à Bonn de 1 minute 9 secondes, de Vienne à Brune de 1 minute 8 secondes. Cependant, de Düsseldorf à Aix-la-Chapelle, elle atteint 1 minute, et de Spandau à Stendhal, 53 secondes. En Amérique, la vitesse varie beaucoup selon les lignes. Elle est comprise entre 56 secondes de New York à Philadelphie et 1 minute 25 secondes entre Torongo et Kingston. On a organisé récemment un train sans arrêt de New York à Philadelphie qui marche à la vitesse moyenne de 79 km à l'heure, à peu près équivalente à celle du train des fous. Le train de Chicago à San Francisco, qui parcourt 4322 km en 103 heures, progresse avec une vitesse de 42 km à l'heure. On pourrait aller certainement plus vite. Un entrepreneur de théâtre, comme il y en a en Amérique, a parcouru la distance de New York à San Francisco en 3 jours et demi, soit près de la moitié du temps qu'on emploie ordinairement. Il quitta New York avec un train spécial le 1er juin 1876 à 12h42 du soir, et il arriva à San Francisco, où il fut salué par des salves d'artillerie, le 4 juin, à 3h29 du matin, après avoir effectué en 83h59 un trajet de 5498 km, avec une vitesse moyenne de 63 km. De Fort Wayne à Chicago, sur un parcours de 247 km, la vitesse s'éleva à 97 km et même à 120 km. Entre Omaha et Oyden, on employa 18 locomotives, dont chacune marcha pendant 4h40 minutes sans interruption et sur une distance de 316 km. Les machines puisaient de l'eau en route sans arrêt dans des bages alimentaires à l'aide de tuyaux d'aspiration. À partir d'Oyden, sur le Central Pacific, une locomotive effectua seule un parcours de 1466 km pour aller jusqu'à Zulle en 23h55 minutes. Elle ne s'arrêta que 15 fois en route pour rafraîchir les coussinets qui pouvaient chauffer. Ce voyage extraordinaire est resté légendaire parmi les ingénieurs américains. En résumé, sur les chemins français, les plus grandes vitesses compatibles avec la sécurité paraissent être généralement un peu supérieures aux vitesses des chemins anglais. La vitesse kilométrique de 50 secondes est un maximum. La vitesse kilométrique de 1 minute est une bonne vitesse. Les vitesses inférieures à 1 minute peuvent être considérées comme insuffisantes pour les express, à moins de voies mauvaises et de circonstances exceptionnelles. donnant d'eux-mêmes quelques chiffres qui ne seront pas sans utilité sur la vitesse et le travail des chevaux. Le travail d'un cheval dépend beaucoup de sa vitesse. On perd en travail, très notablement, quand on augmente la vitesse. Note. Rappelons que le travail se mesure par l'effort de la traction multiplié par la vitesse et le temps. Il s'exprime en kilogrammes-mètres. Fin de la note. Si un cheval court seulement avec son cavalier, sans grande charge, il peut atteindre de grandes vitesses. Consul, en 1869, avec un jockey du poids de 54 kg, conserva une vitesse de 16 mètres 32 cm à la seconde sur un parcours de 1600 mètres, soit une vitesse de 980 mètres à la minute, bien voisine de celle des trains express. Si, au contraire, la charge est considérable, la vitesse s'abaisse de plus en plus, comme l'indique le tableau suivant. À l'âge, 0,5 mètres par seconde, 1,8 km parcourus à l'heure. Roulage, 1 mètre par seconde, 3,6 km parcourus à l'heure. Transport militaire, 1,2 mètres par seconde, 4,32 km parcourus à l'heure. Trot ordinaire, 3,3 mètres par seconde, 11,9 km parcourus à l'heure. Galop de cheval de troupe, 4,44 mètres par seconde, 16,10 km parcourus à l'heure. Course au galop, 13 mètres par seconde, 46,8 km parcourus à l'heure. Consul en 1869, 16,32 mètres par seconde, 58,75 km parcourus à l'heure. Le cheval de halage exerce un effort de tirage de 77 kg à la vitesse de 50 cm à la seconde. Il peut travailler 10 heures. Il fait donc 1 368 900 kg/m. Le cheval de roulage marchant au pas de 1 mètre peut exercer un tirage de 70 kg pendant 9 heures. Son travail total est de 2 041 200 kg/m. Le cheval de transport militaire au pas de 1 m20 exerce un effort de 30 kg. Durée du travail 7 heures. Travail journalier 1 512 000 kg/m. Coupé roulant sur une bonne route en palier à la vitesse de 3 m30, tirage 14,8 kg, la durée du travail ne doit pas dépasser 6 heures, donc travail en kg/m, 1 058 400. Le travail du cheval varie par conséquent, selon les conditions, entre 35 et 65 kg/m par seconde, c'est-à-dire entre un tiers et deux tiers de cheval vapeur. Quand l'animal donne un coup de collier, il peut faire un effort de 300 à 500 kg. On en a vu donner des coups de collier correspondant à un effort de 1200 kg. L'homme peut facilement fournir un travail de 7,5 kg par seconde, et pendant 8 heures, il effectue un travail journalier de plus de 210 000 kg/m. Pendant quelques secondes, un homme peut fournir le travail d'un cheval vapeur. Il peut décupler son travail normal, mais il serait épuisé en quelques instants. Toutefois, on a vu des coureurs maintenir pendant plus de 3 heures la vitesse de 4 mètres par seconde, qui, pour un poids de 60 kg, donne un travail de 48 kg/m, soit les 64 centièmes d'un cheval vapeur. Le coureur accomplit le travail énorme de 520 000 kg/m en 3 heures. C'est le travail du cheval qui traîne un coupé à la vitesse de 3,30 m par seconde. Ce qui est curieux, c'est que par unité de poids, par kilogramme, la force d'un homme équivaut à celle du cheval. Le cheval, par kilogramme de son poids, ne produit qu'un dixième de kilogramme-mètre. Un homme de 75 kg fournit 7,5 kg par kilogramme, soit aussi le dixième d'un kilogramme-mètre. Fin de la section 56.